Ben, bon courage pour cette fin d'année, cette dernière ligne droite. Je sais qu'elle est dure, vous avez beaucoup de devoirs, donc je compatis. Pour le DM de philo facultatif que certains m'ont demandé, je vais vous envoyer les détails par mail avec ce podcast. Vous devriez avoir les infos. Les notes s'arrêtent le 22 mai, il faut que j'ai le temps de corriger. Du coup, et j'ai d'autres trucs à corriger en plus pour les terminales généraux. Du coup, traînez pas trop si vous voulez le faire. Si vous voulez pas le faire, c'est pas grave, y a pas de souci. Mais si vous voulez une note en plus, ben, ne tardez pas, m'envoyez pas ça le 21 au soir, s'il vous plaît. Merci. À bientôt, cours. Et puis voilà. J'ai pas de phrase de fin un petit peu choc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah non, j'ai pas. Ah si. En philo, il faut prendre son temps. Il faut réfléchir face au texte, face au sujet, pour éviter d'être ou de faire des contresens. Ma chérie, tu as contresens. Voilà. On rigole bien. Allez, à bientôt, bon courage. N'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir à tous. Merci. Salut. Ciao. À bientôt. Bon, j'arrête.